إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد نحمد الله تبارك وتعالى الذي يدبر الأمر كله ننو الله تبارك وتعالى celui qui gère toutes choses. Et parmi ces choses qu'il gère, il y a le temps. Il est celui qui change le jour et la nuit. Et il fait partie de sa miséricorde le fait qu'il nous a facilité cette religion. Et il a placé des jours durant lesquels les œuvres sont multipliées. لِعِلْمِهِ بِحَاجَتِنَا إِلَى ذَلِكَ car il sait pertinemment que nous avons besoin de cela. وَجَعَلَ لَنَا آيَاتٍ بَيِّنَةٍ نَعْرِفُ بِهَا مُرُورِ الْأَزْمِنَةِ et il nous a placé des signes évidents qui nous permettent de calculer le temps, qui nous permettent de calculer le temps qui passe. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ Il t'interroge concernant les positions lunaires, concernant les stations lunaires. قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِ dit, ce sont des éléments permettant aux gens de calculer le temps, ainsi que le hajj. وَجَعَلَ فِي السَّنَةِ أَشْهُرًا مَعْدُودًا Il a placé dans l'année, tabaraka wa ta'ala, un nombre de mois bien défini. Il nous dit, tabaraka wa ta'ala, « Inna iddata shuhuri inda Allah ithna asharata shahra fi kitabillah » Certes, le nombre de mois auprès d'Allah est de 12 mois dans le livre d'Allah. يوم خلق السماوات والأرض le jour durant lequel il a créé les cieux et la terre فيها منها أربعة حرم il y a parmi ceux-ci donc parmi ces mois il y en a quatre qui sont sacrés فلا تظلموا فيهن أنفسكم alors durant ces mois sacrés ne vous faites pas injustice à vous-même أيها المسلمون إن الله تبارك وتعالى خلقنا لعبادته وجعل لنا عبادات مربوطة بأزمنة معينة Ô musulmans, certes Allah تبارك وتعالى nous a créés pour l'adorer et il a placé des actes d'adoration qui sont liés à des moments spécifiques فعلينا أن نعرف ما هي الأشهر التي جعلها الله تبارك وتعالى لنا لنقوم بعبادته et donc il est impératif aux serviteurs d'Allah que nous connaissions les mois qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a accordé afin qu'on puisse l'adorer durant ces mois. Wa yajibu alayna ayyuha al-ikhwa an na'rifa ma huwa at-tarikh al-mu'tamad fi shar'ina. Et il nous est obligatoire de savoir, aux serviteurs d'Allah, quel est le calendrier qui est pris en compte dans notre législation. Walil asaf shadid كثير من المسلمين يعرفون التاريخ الميلادي ولا يعرفون عن التاريخ الهجري شيئا. Et malheureusement, beaucoup de musulmans connaissent le calendrier grégorien par cœur. Beaucoup de musulmans le connaissent, mais ne connaissent rien du tout du calendrier égyptien. Nous l'avons totalement délaissé, le calendrier égyptien. Wa ma huwa at-tarikh al-miladi. Et qu'est-ce que le calendrier grégorien? Fa huwa tarikhun assasahu al-Baba. Grégoire al-thalith 13. C'est un calendrier qui a été mis en place par le pape Grégoire XIII. Li ta'sir tanzim a'yad an-Nasara. La siyama Et donc il a mis en place ce calendrier Grégoire XIII afin de faciliter l'organisation des fêtes chrétiennes, plus particulièrement la fête de Pâques. Cette fête, donc la fête de Pâques, qui est la célébration de la résurrection prétendue de Isa. فهذا التاريخ متعلق بأهم أعياد النصارى وأكبر الأكاذيب على الله. فقالوا إن هذه القيامة المزعومة من الأدلة القاطعة عندهم على أن المسيح هو الله وأن الله هو المسيح. Et donc, ce calendrier grégorien, il est lié à la fête la plus importante des chrétiens et au plus grand mensonge concernant Allah tabaraka wa ta'ala. Ce calendrier est lié à cette fête qui célèbre la prétendue résurrection de Isa, en sachant qu'ils ont dit les chrétiens que cette résurrection est pour eux une preuve inévitable, incontournable, que Isa est Allah et que Allah est Isa. Wala hawla wala quwwata illa billah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اعلموا أيها المسلمون أن الصحابة رضوان الله عليهم لما رأوا أنهم بحاجة إلى استخدام تاريخ يؤرخون به الأحداث، وقع اختيارهم على تاريخ يبدأ بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. Sachez, ô mes frères musulmans, que les compagnons radiallahu anhum, lorsqu'ils ont vu qu'ils avaient besoin d'un calendrier afin d'enregistrer les différents événements qui se produisent, ils ont choisi un calendrier qui commence avec l'émigration du prophète صلى الله عليه وسلم. ذلك لشدة تمسكهم بسنته وحبهم له. Cela car ils sont fermement accrochés à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et par l'amour grandiose qu'ils éprouvent pour lui. ولم يلتفتوا إلى تاريخ آخر لكمال براءتهم من الشرك وأسبابه. Et ils n'ont accordé aucune importance aux autres calendriers, et cela par l'aspect complet de leur désaveu du polythéisme et de ses causes. Fa hum alladhina radiyallahu anhum wa radu an. Et donc ces gens-là ce sont eux dont Allah est satisfait d'eux et eux sont satisfaits de lui. Wa hum khayrun nas kama akhbara bihi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et ce sont les meilleurs des gens comme l'a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa hum al-qawm alladhina yajib alayna suluku maslakahum likulli man arada ridwan rabbih tabaarak wa ta'ala. Et ce sont eux les gens dont il nous est obligatoire de les suivre pour tous ceux qui veulent atteindre la satisfaction d'Allah tabaarak wa ta'ala. Ayyuha an-nas ta'allamu at-taarikh al-hijri at-taarikh al-mu'tamad fi shari'atina. Ô gens, apprenez le calendrier égyptien, le calendrier qui est pris en compte dans notre législation, dans notre religion. ولا اقول لكم ان تتركوا التاريخ الميلادي لانكم بحاجه اليه لتعاملكم مع الناس ولاموركم الدنيويه. Et je ne vous dis pas de délaisser le calendrier grégorien, car vous en avez besoin pour vos échanges avec les gens et aussi pour vos sujets mondains. Vous allez avoir besoin du calendrier grégorien car c'est lui que les gens ont pris pour base. ولكن اجعلوا التاريخ الهجري هو الاصل عندكم كما ان مرضات ربكم هو الاصل في حياتكم. Cependant, ô chers frères, faites en sorte que le calendrier égyrien soit la base pour vous. C'est la base. Et le calendrier grégorien est secondaire. De la même façon que dans votre vie de tous les jours, l'agrément de votre Seigneur est la base. Et le reste est secondaire. Wa khitaman nas'alu su'alan. Et pour finir, une question pour ceux qui rendent licite la participation à la fête de fin d'année grégorienne. هل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان والأئمة في ديننا شاركوا المشركين في أعيادهم. Est-ce que le prophète صلى الله عليه وسلم ou les compagnons ou ceux qui les ont suivis de la meilleure des façons ou les imams de la communauté musulmane, est-ce qu'il y en a un seul qui a participé avec les polythéistes à leur fête? Nas'alullah tabaraka wa ta'ala an yu'allimana fi dinina. Nous demandons à Allah tabaraka wa ta'ala de nous enseigner notre religion et d'enlever de la communauté musulmane la profonde ignorance dans laquelle nous sommes, de nous accorder une science profitable, de nous permettre de lire son livre et d'œuvrer avec. Il est capable de toutes choses. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa aqimus salat.